professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, genre de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Que peut nous apprendre un Écossais qui a su vraiment entrer dans la vie indienne dans la première moitié du XVIIIe siècle ? Nous restons en compagnie d'un collectionneur voyageur, personnage curieux et assez extraordinaire, nous fait remarquer Sanjay Subramaniam dans le cadre de son cours de cette année, L'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle. Nous voici donc sur les traces d'un jeune Écossais, James Fraser, qui gagne l'Inde à 16-17 ans pour un premier séjour de 10 ans, où, fait remarquable et atypique, il fait son apprentissage de l'Inde par le biais de son insertion dans les milieux savants et soufis, de Bombay et du port très cosmopolite de Surat, au croisement de plusieurs cultures et religions. Il apprend de ses maîtres locaux le Parsi et le Sanskrit. Il fera aussi, une fois marié, un deuxième séjour plus agité en Inde, mais dont il revient enrichi. S'il est connu pour son histoire de Nadir Shah en 1742, c'est sa belle collection de manuscrits indo-persans qui intéresse tout particulièrement Sanjay Subramaniam. L'historien aux semelles de vent, qui a enseigné à l'EHESS et à Oxford et qui se partage depuis 2013 entre le Collège de France où il est invité et l'Université de Californie, nous installe d'abord dans le décor écossais de la fin tragique de James Fraser avant de nous décrire le port de Surat où le gratin des voyageurs occidentaux côtoie renégats ottomans et marchands indo-persans dans cette ville plutôt autonome de l'Empire moghol. Dans son ouvrage « Leçons indiennes » où il revient sur son itinéraire, Sanjay Subramaniam rappelle que dès son doctorat en histoire économique, il a voulu jouer sur des niveaux différents. Dans le livre issu de ma thèse « The Political Economy of Commerce », écrit-il, « j'utilise déjà des vignettes plus ou moins biographiques qui me permettent d'expliquer ce qu'est un certain type de capitalisme commercial en Inde à l'époque moderne à partir d'exemples très précis de carrière. » Dès cette époque, il diversifie les sources et les points de vue, s'appuyant sur sa curiosité et son aisance à changer de langue et de culture. Au magazine Les Inrecuptibles, il expliquait en 2015 « Je suis tamoul d'origine, mais j'ai grandi en Inde du Nord. Quand j'avais 6 ans, je pratiquais déjà 3 langues assez différentes, le tamoul, l'anglais, l'hindi. Cela facilite les choses. » Puis, dans un contexte de recherche, sont venus le portugais, l'italien, le néerlandais. J'ai appris le français aux États-Unis seulement après ma thèse. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Sanjay Subramaniam sur les représentations de l'Europe et de l'Inde à l'époque moderne, le 30 mai 2016, dans le cadre de la chaire d'histoire globale de la première modernité. On est en Écosse. Et c'est 1753. Nous sommes donc dans les alentours de Inverness, et là vous voyez Culloden, endroit important pour ce qui va suivre aujourd'hui. Mais alors en 1753, James Ogilvie, le cinquième comte de Finletter, a reçu des rapports, et lui, il était plus ou moins chargé à ce moment-là des affaires de l'Écosse. Il a reçu un rapport en racontant qu'il y avait pas mal de problèmes aux alentours de cette région-là, parce qu'il s'agissait donc d'une série d'endroits, hein, plus ou moins dans, autour de Beaulieu Firth, Kirk Hill, par exemple, ou Moniac, ici. Et tout cela, ça faisait partie, en fait, des propriétés de quelqu'un qui a été très important dans la vie politique de l'Écosse, notamment Simon Fraser, Lord Lovat. Simon Fraser, Lord Lovat, a été parmi les personnages les plus importants dans la rébellion de 1745-46. Il est d'ailleurs le dernier homme en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, qui est mort décapité. En 1747, il a été donc condamné et décapité aux ordres de la couronne hanovérienne parce qu'il était considéré comme un personnage central qui avait donc été responsable pour ce soulèvement jacobite à la faveur de Bonnie Prince Charlie. Et puis, ses propriétés ont été confisquées, comme un certain nombre d'autres. Et ses propriétés, donc, incluaient donc, une grande partie de cette région-là autour des menaces. Alors, donc, le Earl of Findlater reçoit des plaintes en disant qu'il y a en particulier un monsieur qui est en train de créer des problèmes, qui refuse de donner les impôts aux collecteurs, qui est aussi notamment très intéressé par la récolte des moules dans les muscle scalps de Billy Foot. Et donc, il est obligé, enfin, de monter une petite enquête. Il reçoit les papiers de cette enquête donc vers le milieu de l'année 1753. Et on dit que, en fait, la personne qui est assez centrale dans cette affaire, de cette espèce de, pas exactement un soulèvement, mais c'est considéré presque comme une rébellion, c'est quelqu'un qui s'appelle donc James Fraser. Et donc on fait des enquêtes à propos de Fraser, et il reçoit des lettres et pour et contre des gens qui disent que Fraser était plus ou moins lui-même un jacobite, d'autres qui disent que ça c'est un peu n'importe quoi, c'est ce qu'on dit quand on n'aime pas quelqu'un en Écosse à l'époque, on dit qu'il est jacobite. Mais il y a parmi ces lettres-là une petite phrase qui m'a frappé, c'est-à-dire où on dit, ça c'est une lettre plutôt favorable à lui, écrite par un anonyme, mais qui dit « I have never heard of James Fraser being disaffected. He was long in the East Indies and has the reputation of being uncommonly skillful in the languages and learning of the East. » Donc, c'est quelqu'un qui a été en Orient et il est revenu. Il est donc considéré comme une espèce d'orientaliste. Alors, donc, on commence à creuser à partir de ce genre de choses et on arrive finalement à comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas un grand rôle à jouer dans ce genre de livre populaire qu'on trouve dans les gares aujourd'hui on est aux États-Unis ou en Angleterre, avec des titres assez sensationnels, comment les Écossais ont inventé le monde moderne, ou vous voyez la version rivale, comment les Irlandais ont sauvé la civilisation. Donc on a tout ce genre de version un peu étrange de l'histoire globale, mais une histoire globale très patriotique en fin de compte. James Fraser, ce n'est pas de genre à rentrer dans ces livres-là où il s'agit finalement, dans le cas des Écossais, c'est une version finalement un peu édulcorée des Lumières écossaises, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. Alors, par contre, quand on commence à regarder des livres, des articles un peu plus sérieux, comme le livre The Divine, Scotland's Empire, The Origins of the Global Diaspora, ou les articles de quelqu'un comme George McGilvary, on voit en fait qu'il y a des tuyaux à suivre, des données autour de cette espèce de diaspora des Écossais, à la fois dans l'Atlantique, et une grande partie de ces livres se concerne essentiellement de la présence écossaise en Amérique et dans les Caraïbes, bien sûr, parce qu'ils étaient aussi très importants dans le commerce des esclaves, et par exemple à Barbados ou à Berbice ou en Jamaïque. Mais il y avait aussi des Écossais, bien sûr, en Angleterre et notamment dans le cadre de la Compagnie des Indes. Et c'est un processus qui commence, et c'est un peu paradoxal. On sait que les Écossais s'intéressaient aux Indes déjà au XVIe siècle. Il y avait un savant assez connu du XVIe siècle qui s'appelle Buchanan, qui a écrit sur l'Inde et qui a passé du temps au Portugal notamment. Il a aussi fréquenté plus ou moins le milieu de Michel de Montaigne à un moment donné. Et Buchanan avait écrit un certain nombre de choses portant tout d'abord sur l'Empire portugais. Au début, c'était assez favorable et par la suite, c'est devenu assez défavorable. Et il a écrit à la fin de sa vie des poèmes assez amusants, mais très, très violents contre les rois de Portugal. Mais par la suite, on sait que, par exemple, quand la Compagnie des Indes de l'Angleterre a été formée au début du XVIIe siècle, les Écossais n'avaient pas un grand rôle à jouer. Et ça, malgré le fait qu'on sait qu'il y avait un roi écossais, Jacques Ier, qui était sur le trône de l'Angleterre. Et puis, pendant tout le XVIIe siècle, quand il y avait la dynastie Stuart ou même pendant la guerre civile, on ne voit pas une présence écossaise très importante dans la compagnie. Mais à la fin du XVIIe siècle, et ça peut paraître un peu paradoxal, à la fin donc de l'époque des Stuart, on commence à voir de plus en plus d'Écossais rentrer dans la Compagnie des Indes. Et en particulier, il y a au début du XVIIe siècle ce qu'on appelle souvent le réseau de Drummond ou de Drummond Network. C'est autour de quelqu'un qui était un grand investisseur dans la Compagnie des Indes et qui a donc su placer ces gens dans des positions très importantes dans les Indes, à la fois donc dans la présidence de Bombay, mais aussi autour de Madras et finalement aussi autour de Calcutta. Et voilà le cadre dans lequel rentre notre James Fraser. Donc il est né à cet endroit Eastmonaak, un peu au sud de Bioliphat, en 1712 ou 13, on n'est pas tout à fait sûr. Je viens d'avoir une petite correspondance avec sa famille, mais ils n'ont pas une date très précise non plus. À l'âge de 16 ou 17 ans, il est parti en Inde. Donc ça, c'était plus ou moins normal à l'époque, sauf que ça veut dire que quelque chose qui, pour nous, est important, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une éducation à l'université. Donc ça se compare avec d'autres qui sont partis un peu plus tard et ont fait des cours de l'université, notamment à Edimbourg. Ça sera le cas d'un certain nombre d'employés de la compagnie de la deuxième moitié du 18e. Et puis, il va rester à peu près 10 ans en Inde, à Surat, à Cambay et à Bombay. Il a aussi passé un peu de temps dans la mer Rouge à Mocha. Et on reviendra un peu sur ça aussi. Puis, ayant passé 10 ans en Angleterre, en Inde, il revient en Angleterre en 1740-41. Il va se marier en 42 avec Mary Satchel. Et la même année, il va publier un livre qui est le seul livre pour lequel il est connu. Donc, normalement, si vous faites des recherches de base sur Internet, la seule chose que vous risquez de trouver, c'est James Fraser, auteur de l'histoire de Nadersha, History of Nadersha, mais pas grand-chose d'autre autour de lui, qu'il a publié donc en 1742. Il n'est pas resté très longtemps en Angleterre. Il revient donc en Inde, cette fois-ci avec sa femme. Et donc en 1743, il est de retour à Surat, et il y a donc ce deuxième séjour qui va durer 6 ans, beaucoup plus compliqué, comme je vais expliquer, la deuxième fois à Surat, et il va donc rentrer en 1749, deuxième fois, plus ou moins en disgrâce, parce qu'il a eu beaucoup de conflits autour de lui dans le comptoir de Surat avec ses supérieurs, mais aussi avec des gens à Bombay, et il est donc plus ou moins expulsé, et il est obligé de rentrer chez lui, mais il est très riche. Et comme il est très riche, à ce moment-là, il peut rentrer en Écosse, il peut s'acheter des terres et construire une grande maison. Et donc, c'est à cette époque-là, ces derniers moments de sa vie, quand il va avoir ses conflits, notamment avec des gens autour de lui, et en particulier avec un certain monsieur James Grant, qui était l'administrateur des propriétés de Lord Lovat. Et donc, soudain, en janvier 1740, il meurt. Il n'y a pas du tout d'indication sur l'état de sa santé en 1753, mais là, il est donc mort en 1754 à l'âge de 41 ans ou 42 ans. Voilà donc en petit résumé sa vie. Et voilà pourquoi on s'intéresse à lui. C'est parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, représente un type assez particulier de la première moitié du XVIIIe siècle. Il est quelqu'un donc qui a su rentrer, mais vraiment rentrer dans la vie intellectuelle indienne. Et à cause de ça, on voit pas seulement une attitude, mais aussi une façon d'aborder le monde indien qui est un peu différent par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir déjà au XVIe, XVIIe, et puis qu'on va voir par la suite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, comment est-ce que ça se fait? Et pour moi, l'essentiel de l'affaire, ça se joue à cet endroit assez important, qu'on a toujours abordé comme centre commercial, mais on n'a peut-être pas assez pensé comme centre intellectuel que la ville et le port de Surat. Donc, Surat, ici, en Inde occidentale, liée bien sûr avec le nord de l'Inde. Il y a ces voies qui passent par Ahmedabad et Ajmer qui font le lien avec Agra et Delhi. Ça, c'est une route terrestre commerciale très connue. Mais il y a aussi les autres liens de Surat qui ne sont pas d'une moindre importance. Ce lien avec Burhanpur, grand centre à l'époque en Inde centrale, et puis en passant par Aurangabad avec le Deccan. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les liens par la voie de commerce côtier avec, par exemple, Bombay ou même un peu avec Goa et les autres ports ici. Et finalement, il y a quelque chose qui n'est pas à négliger non plus, c'est-à-dire que Surat est quand même le port le plus important de l'Inde pour le commerce avec le Moyen-Orient. Donc, et cette ouverture vers le golfe Persique, et en particulier envers le monde de la mer Rouge et l'Empire ottoman. Donc, pour tout ça, c'est une espèce de vrai, je dirais, carrefour dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a toute une série de gens intéressants qui sont passés par Surat. En fait, on peut, si on fait la liste de tous les gens qui sont passés par Surat au XVIIe siècle, c'est vraiment le gratin des voyageurs occidentaux. Et en commençant avec Tom Coriat, qui a passé le voyage terrestre en Empire moghol, et en fait qui est enterré lui aussi à Surat, il est mort là-bas. Mais par la suite, il y a tout le monde. François Bernier est passé par là au moins deux fois. Jean-Baptiste Tavernier y était et il a passé pas mal de temps. Il a fait une description. Et d'ailleurs, une des meilleures descriptions de Surat, qu'il décrit comme c'est le port le plus important du monde, il le dit carrément, c'est de la plume de François Martin, le chef plus ou moins de la Compagnie française des Indes à la fin du XVIIe siècle. Et il a une très très belle description dans une lettre qu'il a écrite de Surat de l'importance de cette ville, où il insiste à la fois sur l'importance politique, l'autonomie relative de la ville par rapport à l'Empire moghol, parce que les gouverneurs moghols ne résidaient pas à Surat, ils étaient à Ahmedabad, donc le port avait une très grande autonomie. Et puis aussi, il nous dit en effet que c'était une ville portuaire où il y avait des gens venus des quatre coins du monde. Donc extrêmement sophistiqué, extrêmement mélangé, donc au début du XVIIIe siècle. On a un peu tout. Il y a donc des musulmans, il y a des hindous, il y a beaucoup de banias, il y a ces zoroastriens, il y a toutes sortes d'Européens. Il y a un certain nombre d'autres sites qu'il faut noter. Un endroit qui a une très grande importance, c'est le Khanqa, l'hospice des Haïdourousiyyah, qui sont donc, c'est un ordre soufi venu du sud de l'Arabie. Et assez important, ce sont des Hadramis donc, et qui gardent une grande importance à la fois à Surat, mais aussi en Asie du Sud-Est. Ils vont jusque là. Mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier à Surat qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distribution très nette dans les quartiers par religion ou par ethnicité. Alors, il y a aussi, bien sûr, ces deux endroits qui ont une certaine intérêt, au moins à cause de l'aspect curieux qu'ils ont, cimetière néerlandais et le cimetière anglais. Alors pour nous, ce qui est important, c'est qu'on voit déjà à partir de cette carte, mais encore plus en regardant les lettres et les documents échangés, que si on est européen et on habite Surat au début du XVIIIe siècle, c'est pas comme si on a une vie dans une enclave séparée des autres. En fait, c'est une vie assez mélangée. Donc, la réalité, c'est que même si un certain nombre, par exemple, d'autorités anglaises, comme il y avait quelqu'un qui a voulu faire une espèce de réforme de tous les comptoirs anglais qui s'appelait Stranger Master, il a voulu en fait séparer la vie des Européens ou la vie des Anglais de la vie des autres. Il ne voulait pas que ça soit trop mélangé parce qu'il avait cette notion qu'avec le contact, on est corrompu. Et on va perdre son identité d'Européen si on a trop de contacts. Mais on voit que la réalité, c'est que la vie quotidienne dans le comptoir de Surat, c'est extrêmement mélangé. Il y a énormément de va-et-vient avec le monde autour. Et par exemple, quand il y a le grand moment, chaque année, il faut se rappeler qu'il y a une espèce de processus où la ville est tout d'abord la population est gonflée puis réduite parce que il y a le Hajj. Et comme Surat est le port principal de départ pour le Hajj, il y a donc des gens qui viennent des alentours et même d'Agra ou de Delhi. Et ça va dépendre parce que vous voyez que le Hajj, ça dépend du calendrier lunaire, tandis que les moussons sont les moussons. Et donc, il y a parfois une espèce de décalage entre les deux, ce qui veut dire que parfois on est obligé de rester à Surat plusieurs mois ou quand on rentre, on est coincé dans la ville, on ne peut pas sortir si on arrive juste avant les pluies. Mais en tout cas, on sait qu'il y a cette espèce de processus aussi de beaucoup de va-et-vient avec le Moyen-Orient à cause de ça, mais des liens commerciaux aussi autour de cette question-là. Et quand on parle de ces mélanges-là, je vais juste vous donner un petit exemple pour avoir une petite idée. Voilà, ça c'est les cimetières des Néerlandais et des Anglais. Et les spécialistes de l'architecture qui ont fait l'analyse de ces tombeaux ont remarqué qu'en effet, il s'agit d'une espèce de mélange indo-musulman avec des éléments européens. Donc, il est manifeste qu'on a employé des artisans, des Indiens pour construire une série de choses. Il y a des choses qui viennent plus ou moins calquer sur les constructions des tombeaux timourides ou même afghans. Et puis, il y a des éléments qui viennent de l'Europe et en particulier dans certains tombeaux néerlandais comme celui de grand savant et administrateur Van Rij de Drakenstein. Il a son tombeau ici et là c'est un peu plus européen, un peu moins indien, tandis que les grands éléments de cimetière anglais et d'ailleurs il y a aussi les Arméniens plus ou moins là-dedans. Donc tout cela ça démontre exactement cette espèce de mélange entre les deux cultures. Donc on peut effectivement faire une espèce de contraste, si vous voulez, entre la vie à Surat et la vie à Bombay, où les Anglais sont présents surtout à partir des années 1660. À Bombay, il y a beaucoup plus de séparation entre les deux populations, tandis qu'à Surat, tout est beaucoup plus mélangé. Et d'ailleurs, ces mélanges, on peut même entrevoir ça en regardant de près les écrits de quelqu'un qui était pas seulement quelqu'un qui a habité Surat et Bombay, mais qui était le meilleur ami de James Fraser, qui est John Cleland. John Cleland, qui a été donc à Bombay, qui a été puis aussi à Surat, et en rentrant en Europe, il a écrit ce célèbre livre qui s'appelle Memoirs of a Woman of Pleasure, c'est connu comme sous le titre normalement de Fanny Hill, qui a été considéré comme un roman obscène au XVIIIe siècle, mais en fait, Cleland est quelqu'un qui d'ailleurs, il va jouer un rôle assez important dans la vie de Fraser parce qu'il est très bien connecté dans la vie anglaise à l'époque. Et d'ailleurs, il a même des contacts assez inattendus. On sait qu'en rentrant en Angleterre, bien sûr, pas seulement à cause de son roman, mais plus généralement, il était un peu mal vu. mais il a cherché à nous créer des contacts ailleurs. Et parmi ces contacts, dans les années 1750 à Londres, était l'ambassadeur portugais à Londres, le futur marquis de Pombal. Et Cleland va en fait écrire une mémoire pour le marquis de Pombal expliquant comment réformer le commerce des Indes et portugais. Donc, vous voyez qu'il est, il est assez ouvert. Et on sait que Cleland, entre autres, parlait très bien le portugais. Il avait beaucoup de contacts avec les populations lusophones et à Surat et à Bombay. Alors, donc, James Fraser. James Fraser qui, pour moi, est quelqu'un qu'on peut aborder par plusieurs biais. Il y a donc les archives autour de lui. Il y a les lettres qu'il a laissées, il y a les lettres qu'on trouve dans les archives de la compagnie autour de lui. Mais il faut quand même commencer avec ce texte-là. Hein, ce texte qu'il a donc écrit et publié dans ce petit séjour qu'il a eu à Londres entre les deux séjours indiens. Hein, l'histoire de Nader Shah, formerly called Thomas Tehmasp Qutb Khan. Et donc avec une carte portant sur l'Empire moghol. L'événement qui est décrit là-dedans est un événement capital, c'est l'invasion de l'Inde du Nord par le roi d'Iran, Nader Shah, qui avait pris le pouvoir des Safavides dans les années 1720-30, et puis qui a fait une espèce d'expansion en Asie centrale, en Inde du Nord, etc. Il a été comparé pendant son vivant avec Tamerlan, et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit. Si on regarde par exemple les lettres ou des autres mémoires circulant en Europe, alors Fraser par contre a essayé de faire autre chose, c'est-à-dire dans ce livre-là il nous livre à la fois une histoire donc de l'invasion, mais ce qu'il fait qui est assez intéressant, c'est qu'il nous donne également une vision global de l'Empire moghol. Donc, en fait, il commence avec les débuts de l'Empire moghol, la fondation, et il nous raconte un peu tous les empereurs, comment ça s'est passé au XVIe et au XVIIe siècle, et donc il a aussi une petite théorie de déclin moghol, et finalement l'invasion de Nader Shah. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il fait aussi remarquer, il explique au lecteur que contrairement à la plupart des gens qui ont fait des récits basés essentiellement sur l'ouï-dire, lui, il a fait des vraies recherches. Et qu'est-ce que ça veut dire des vraies recherches? C'est-à-dire, il nous fait en fait comprendre qu'il a une très très bonne connaissance de l'historiographie moghole. Donc, il est vraiment un grand connaisseur des chroniques et des textes en persan. Et ça, c'est le fruit de ces 10 ans passés, notamment à Surat, mais aussi ailleurs en Inde. Et d'ailleurs, pour publier ce livre, il fait usage de ces réseaux qu'il a très vite pu construire en Angleterre. Le livre porte dédicace. C'est dédicacé à ce monsieur-là, c'est Richard Mead, grand médecin, grand spécialiste aussi des venins et son ouvrage le plus célèbre, c'est celui-là, c'est sur le pestilential contagion. Mais Mead est aussi un grand collectionneur. Il est très ami avec Hans Sloane, qui est aussi son rival, un autre grand collectionneur de l'époque. Ça, c'est une série de liens qui Fraser a pour faire vendre ce livre et pour donner un peu plus de légitimité à son travail. Mais voilà l'autre grande connexion de Fraser. Et ça, c'est en passant par Cleland. Ça, on sait que Alexander Pope était très ami avec Cleland. Et là, vous voyez donc le Rape of the Lock, la boucle de cheveux enlevée, où il y a quelques, ici et là, en fait, des phrases portant sur l'Inde. This casket, India's glowing gems and locks, and all Arabia breathes from yonder box. Il y a donc des petites phrases comme ça, donnant des indications qu'il s'intéressait aussi à ce monde extérieur, à l'Europe, dans son monde. Alors, le texte de Fraser, donc, comporte aussi quelques version de miniature. Ça, c'est le frontispiece où il y a une version d'une miniature de Mohammed Shah, l'empereur moghol de l'époque. Mais il y a dans l'introduction ces phrases assez intéressantes où il nous explique un peu sa formation à lui. Donc il est assez clair pour dire qu'il a eu toute une série de maîtres, pour la personne trois maîtres d'orientation différente, un zoroastrien, puis deux musulmans, et des musulmans assez, dans un de ces cas, quelqu'un qui apparemment était assez connu pour ses connaissances de fiqh, de jurisprudence, mais aussi donc il a passé un peu de temps, moins de temps d'ailleurs, à la poursuite du persan, et d'ailleurs du sanskrit. Le sanskrit est beaucoup moins important pour ce travail historique qu'il fait, car il n'y a pas de manuscrit en sanskrit qui porte essentiellement sur cette histoire de Nader Shah qu'il a envie de raconter. Alors, donc, passons à la deuxième partie de son livre. Donc, à la fin du livre sur Nader Shah, on trouve cette chose-là. A catalogue of manuscripts in the Persic, Arabic and Sanskrit languages collected in the East by James Fraser. C'est déjà en 1742 qu'il a cette collection. Et cette collection, d'ailleurs, est très intéressante pour plusieurs raisons. C'est la première grande collection des manuscrits qu'on a rapporté en quelque sorte de l'Inde. Et ça sera le modèle pour une série d'autres personnes pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est le premier aspect important de cette collection-là. Mais le deuxième aspect important, c'est qu'en fait, on a peut-être 90% de ces manuscrits toujours disponibles. Parce que après sa mort, en 1754, sa famille a donné cette collection à la bibliothèque bodléenne. Donc, en fait, pas seulement on peut lire les descriptions qu'il fait ici de ces manuscrits, on peut consulter les manuscrits. Et on peut voir quel genre de manuscrits il a acheté, on peut voir d'où venaient ces manuscrits, les colophones, on peut regarder pour voir à quel moment ils ont été copiés. Mais surtout, pour moi, je vais insister sur un fait qui me semble assez important, c'est-à-dire, à mon avis, Fraser est arrivé en Inde, comme il avait à peine 17 ou 18 ans, il était quelqu'un qui était manifestement assez ouvert et assez malléable. Et à mon avis, il a été en quelque sorte formé en Inde. Et à mon avis encore, ce qu'on voit dans cette collection de manuscrits, c'est comment on peut se faire former en Inde par une série de personnages assez particuliers. Donc, le goût qui est révélé dans son catalogue, ce n'est pas son goût à lui, c'est le goût du milieu. C'est le goût de ses maîtres. Et donc, il y a quelque chose d'assez particulier qu'on peut regarder dans cet ensemble de manuscrits. Collège de France et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam, l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e, 18e siècle. Je reviens sur quelque chose qu'on avait développé moi-même et Muzaffar Alam dans une série d'essais qu'on avait publié. Et notamment, on avait passé un peu de temps à parler de la formation de la classe des secrétaires, de ce qu'on appelle les munshi en Inde moghol. Et dans un essai qu'on avait écrit qui s'appelle « The Making of a Munshi », la formation d'un munshi, on avait par exemple utilisé des récits autobiographiques. Mais aussi, il y a une lettre assez connue, écrite par cette personne-là, qui s'appelle Chandrabhan Brahman, qui a été l'objet d'un ouvrage très récent d'un des élèves de Muzaffar Alam, Rajiv Kinra, C'est un livre qui vient de sortir sur ce monsieur Chandrabhan Brahman, qui était un poète, un écrivain au XVIIe siècle, un hindou brahman, mais qui est devenu un grand savant en persan. Et Chandrabhan, à un moment donné, écrit une lettre à son fils Tejbhan, dans laquelle il explique ce qui est un bon savant dans le contexte moghol. Et il explique les textes nécessaires, ce qu'il faut apprendre, comment il faut apprendre, dans quel ordre, ce qui est le bon goût, ce qui est le mauvais goût, et ainsi de suite. Et donc, on avait aussi traité un peu cette question dans deux essais de notre collection portant sur l'Empire moghol. Et voilà donc la collection de Fraser. Comment il le décrit, hein, et quelles sont les catégories dans lesquelles il a donc distribué ses manuscrits. Donc, il y a beaucoup de manuscrits d'histoire, de tarikh. Puis, il y a pas mal de poésie, de nazm. Il y a des manuscrits d'éthique, politique et de romans, d'akhlaq et d'astan. Il y a les arts et les sciences, ulum ou funun, dans lesquels il y a pas mal de choses sur les poisons. Et ça, c'est à cause de Richard Mead, je crois, qui s'est intéressé beaucoup à ça. Donc, il a sur les venins et comment guérir différentes sortes d'empoisonnement. Mais il y a aussi pas mal d'autres choses. Il y a toute une catégorie portant sur les dictionnaires, les vocabulaires, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle l'orat, les lettres, les formes de composition, les insha, et finalement des choses portant sur la divinité, Aqaïd. Et voilà donc une catalogue raisonnée et portant sur différentes sortes de manuscrits qu'il a su collectionner et ramener en Europe. Donc, juste à titre d'exemple, une page, là c'est la partie histoire. Et vous voyez les manuscrits qui sont mentionnés là, c'est ce qu'il appelle lui Vaqiat-e Jahangiri. C'est en effet les mémoires de Jahangir. Il a un manuscrit de ça. Il dit The great Mughal Jahangir's commentaries of himself from his sitting on the throne until the 13th year of his reign, wherein is set down all the new regulations and experiments he made. Donc, assez connu. Deuxième, c'est l'Alamgir Nama de Mohammad Kazem. Il y a, ça c'est un texte moins connu que le Tariq-e Kashmir. Il y a les Mirat-e Secondary, donc chronique de Gujarat. Il y a le Tariq-e Alamara-e Abbasi, c'est la grande chronique des Safavides. Et ainsi de suite. En fait, il a tout. Il commence avec les Timurides au XVe siècle. Il commence avec le Rosat al-Safa. Puis, il a tout. Il a les mémoires de Babur en persan. Il a les grandes chroniques d'Akbar. Il a l'Akbarnama. Il a la chronique d'Abdul Qadir Badayuni. Donc, cette collection-là me semble assez complète pour au moins les grandes chroniques de l'Inde moghole. Puis, pour les autres parties, c'est plus ou moins particulier. Pour la poésie, il a un certain nombre d'auteurs classiques qu'on peut attendre. Il a Nizami, il a Jami, etc., etc. Mais il a Hafez, mais il a aussi un goût très, très manifesté pour ce qu'on appelle les Tazagoyan, c'est-à-dire cette nouvelle poésie caractéristique de l'Empire moghol. Les gens qui parlent d'une voix nouvelle ou fraîche. Hein. Donc, et encore, si on commence à regarder les autres choses, on peut voir dessiner plus ou moins quelqu'un qui a un goût très particulier. Et au départ, j'avais un peu de difficulté à comprendre ce qu'était son goût. Mais finalement, c'était assez évident et je crois que j'ai compris. Et c'est ça, en quelque sorte, la clé. La clé, c'est en effet ce personnage qu'il mentionne, et d'ailleurs qui n'est pas du tout quelqu'un d'inconnu. J'ai pu tracer cette personne, Cheikh Mohammad Murad. Cheikh Mohammad Murad, c'est un grand soufi Chishti de Gujarat. Il appartient donc à. Il y a plusieurs lignées de Chishti qu'on connaît en Inde à l'époque. Donc, les Chishtiya, le personnage. Principal pour leurs origines en Inde, c'est ce cheikh-là, Moineddin Chishti, mort à l'époque du sultanat. On a son tombeau donc à Ajmer. Mais puis, il y a eu des lignées au Punjab, à Delhi, dans le Deccan, et il y a aussi cette lignée Gujarati. Donc, ce que ça veut dire, c'est en effet que Fraser, en quelque sorte, a imbibé toute la mentalité chichté. Ça peut paraître un peu curieux, non? Un Écossais d'Inverness venu à Surat, mais qui devient pas explicitement musulman, il ne s'est jamais converti, mais qu'il a absorbé toute une série d'idées de Chishti. Mais qu'est-ce que ça veut dire des idées de Chishti? Et quelles sont les traces qu'on peut trouver pour démontrer ça? Il y a plusieurs traces. Une trace, c'est la présence de toute une série de manuscrits Chishti. Et on sait que, par exemple, il a des manuscrits de ce texte-là, qui s'appelle Mu'in al-Arwa, et qui est un texte hagiographique portant sur le grand saint Muinuddin Chishti, mais ce n'est pas n'importe quel texte. Ça, c'est une hagiographie écrite par la princesse Jahanara. Donc, la princesse elle-même, quand elle était à Surat, est devenue dévote de cette lignée de Soufi, et elle est rentrée là-dedans. Voilà le colophon d'un de ses manuscrits de Mu'in al-Arwa. Ce n'est pas celui de Fraser, mais un autre qui est à la Bibliothèque britannique. Mais ça se voit assez clairement. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez particulier dans le texte de... les textes et le catalogue en particulier de Fraser, c'est son obsession avec un personnage assez connu qui est le Cheikh Abul Fazl. Il revient sans cesse à ce personnage-là. Il nous dit que, par exemple, à un moment donné, il parle de Akbarnama, la chronique d'Abul Fazl, des termes extrêmement élogieux. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est le moment quand il parle des lettres d'Abul Fazl, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Insha'i Abul Fazl, et il a un manuscrit de ça, et il nous dit carrément que ça, c'est l'ouvrage intellectuel le plus important de l'Orient, qu'il n'y a pas d'autre ouvrage qui soit plus important que ça, et pas seulement qu'il fait ça, il fait même quelques essais de traduction, et notamment il traduit un texte qui est assez curieux, assez intéressant, et ça, c'est la lettre que Akbar a fait écrire à Philippe II. Il y a une lettre autour de 1580-1581, écrite pas directement par Akbar, mais de la part d'Akbar à Philippe II d'Espagne, dans laquelle il parle de ses attitudes religieuses et il parle de la nécessité de faire envoyer les grands livres de savoir occidental en Inde. Donc c'est une espèce d'invitation à Philippe II pour échanger les connaissances de l'Inde avec les connaissances de l'Occident. Ça n'a pas eu un grand effet, Philippe II n'a rien envoyé, mais c'est en fait en quelque sorte important pour comprendre aussi les échanges qui ont eu les jésuites à la cour moghole. Et en fait ce que fait James Fraser, qui est assez curieux, c'est assez intéressant, c'est qu'il nous fait une traduction complète de cette lettre, et il le commente en disant « Regardez comment ces gens-là étaient tellement tolérants, ils avaient une telle ouverture, et ça, c'est la génie d'Abul Fazl, en quelque sorte. Hein? » Celui qui était derrière cette notion-là. Alors, bien sûr, on sait qu'il y avait une proximité entre Abul Fazl et la pensée de Chishti. Parce que les Chishti étaient très très portés vers quelque chose qui était leur phrase préférée qui s'appelle Vahdat al-Wujud, une espèce de notion de l'unité de l'être. Et selon cette idée-là, finalement toutes les religions du monde étaient à peu près la même chose. Et on pouvait faire des équivalences. Il n'y avait pas une grande différence entre la croyance des hindous et la croyance des musulmans. Les noms étaient différents, les apparences étaient différentes, mais les réalités derrière était la même. Donc, il est en train d'utiliser et penser dans ces termes-là. D'ailleurs, ça nous fait aussi revenir sur son histoire de l'Inde moghole. Parce qu'on sait qu'au XVIIIe siècle, quand on faisait des schémas sur le déclin de l'Empire moghol, il y avait deux, trois voies assez connues. On pouvait, par exemple, dire que le déclin de l'Empire moghol avait commencé avec Aurangzeb. Donc ça, c'est le topo de l'intolérance d'Aurangzeb qui crée des problèmes pour l'Empire moghol. Ça, c'est une idée qui viendrait effectivement un peu de Bernier et certainement par la suite par Catrou qui était celui qui a fait le plagiat et l'adaptation de Manucci. Hein. Parce que à partir de ces textes, de ces deux textes-là, on fait une espèce de division de l'Empire moghol. Il y avait deux frères, un bon frère qui est Darashiko, qui a été tué, qui a perdu la guerre de la succession, tandis qu'on a le mauvais frère, le méchant, qui est Aurangzeb. Et dès que Aurangzeb gagne la succession, il est sûr que l'Empire moghol va tomber en décadence. Mais c'est pas du tout l'interprétation qui donne Fraser. Il a une vision tout à fait autre, entre autres parce que, et là c'est aussi un moment assez curieux, parce que Fraser a su accéder à des documents fiscaux moghols. Donc en fait il a toute une série de données sur les recettes et les dépenses de l'Empire moghol. Et il démontre clairement qu'il n'y a jamais eu de problème financier dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, tout à fait au contraire, que les recettes de l'Empire moghol étaient toujours en croissance à l'époque d'Aurangzeb. Donc, les problèmes commencent pour lui autour de plus ou moins 1710 ou 1720. Et là, en fait, il va reprendre directement le discours des chroniqueurs moghols, en disant qu'à partir de 1710 ou de 1720, les princes qui ont succédé Aurangzeb avait un caractère assez faible et ils étaient plutôt portés vers les femmes de basse origine. Donc, il y avait trop de danseuses et de chanteuses dans leur cour qui avaient une influence néfaste. Et ça, c'est le discours tout à fait qui vient de l'Empire moghol. Donc, vous voyez qu'il y a ces deux possibilités. Une possibilité qui serait une vue de l'extérieur, créé par les voyageurs, et puis on a Fraser qui va puiser dans les textes venant de l'Empire moghol en tant que tel. Alors, donc, ça c'est une série de choses, mais il y a aussi autre chose sur Fraser, comme on peut certainement dire. Il a aussi fait une collection de quelques peintures. Ces peintures, ça c'est le seul album qui reste en tant que plus ou moins intact. Et ça se trouve actuellement à la Bibliothèque Bodleian. C'est un album assez curieux qui nous fait les portraits de tous les rois de l'Inde à partir des épopées, c'est-à-dire à partir de Mahabharata. Il y a, si je ne me trompe pas, 60 quelque chose, peut-être 70 ces portraits, en commençant avec Yudhishthira et les rois, les Pandava. Et si vous regardez, vous voyez ici que, en fait, ça, ce n'est pas du tout de la tradition moghole. Ça vient, en fait, ce sont des copies faites en Inde occidentale, probablement dans les petites cours de Rajasthan. Mais Fraser a trompé un peu ses interlocuteurs en racontant que c'était des miniatures moghols de première qualité. Et c'est, les spécialistes de l'art moghol vont sûrement rire en regardant ces peintures et en pensant que ça a été présenté comme l'art moghol de première qualité. Il y a aussi eu quelques autres peintures sur le marché de Londres autour de Fraser qui étaient des copies basées sur les peintures qu'il aurait ramenées. On sait qu'il a vendu ces peintures en utilisant ces réseaux-là, parce que dans cet album, par exemple, on a un échange de lettres en ouverture il y a une lettre de Cleland, dans lequel elle explique que lui et Alexander Pope avaient vu ces peintures, ils ont trouvé qu'elles étaient excellentes, et donc ils ont aidé pour mettre tout cela sur le marché. Donc il y a cet autre aspect de Fraser, beaucoup plus difficile à saisir, beaucoup plus compliqué, qui est l'aspect donc de celui qui faisait une fortune, qui voulait acheter et vendre. Et là, d'ailleurs, il y a aussi toute une autre petite série de petites choses sur Fraser qu'il faut garder en vue. C'était un grand promoteur de café, parce que comme il avait passé du temps à Mocha, il s'est beaucoup intéressé au café. Et il a aussi écrit des choses pour promouvoir cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'est l'aspect de Fraser, celui qui vendait, qui achetait, qui faisait le commerce privé. Et c'est à cause de ça qu'il a eu des difficultés dans son deuxième séjour. Donc, si on fait le contraste entre les deux séjours de Fraser en Inde, les 10 premières années qu'il est là-bas, il est en quelque sorte en phase d'apprentissage. Il apprend le persan, il apprend la culture indienne et il devient de plus en plus capable de faire, d'intervenir dans le marché de la collection. Mais on a l'impression qu'une fois qu'il est revenu en Angleterre et il est reparti en Inde, ça c'était avec un but qui était beaucoup plus commercial et beaucoup plus... il était beaucoup plus avare en quelque sorte la deuxième fois. Et il voulait donc constituer des pièces de collection. Je pense qu'il avait probablement même des commandes qu'il a ramenées de l'Europe. Les manuscrits qu'on a à la bibliothèque bodléenne viennent tous du premier séjour, ou presque tous. Il y a peut-être un ou deux manuscrits qui viennent de second séjour. Et si on regarde les choses autour de ce deuxième séjour, il y a une espèce de correspondance, d'une violence extrême, parce qu'il est toujours en train de lutter contre les autres Anglais dans le comptoir de Surat et à Bombay. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, revenu en Inde, Fraser est convaincu qu'il sait 10 fois plus que tous les autres Anglais. Donc, il n'a que de mépris pour les autres Anglais. Et il raconte sans cesse, par exemple, comment la politique anglaise est totalement... manque d'adéquation. Il a ses propres obsessions. Par exemple, Fraser a une obsession très particulière, et ça, c'est aussi curieux, parce que ça vient aussi du milieu chichti. Il a une espèce de bête noire. Et cette bête noire, c'est un personnage central de la politique moghole de l'époque, c'est Nizam-ul-Mulk Asafjah, le premier Nizam de Hyderabad, qui avait une grande influence sur la politique de Gujarat à l'époque, et il est convaincu que Nizam-ul-Mulk, c'est le plus grand vilain qui a pu exister en Inde à l'époque. On sait qu'il y avait des raisons pour ça aussi. Nizam-ul-Mulk favorisait l'ordre Naqshbandi, beaucoup plus que les Chishtis. Et donc, il y avait aussi cet aspect-là dans le conflit. Et, par exemple, Fraser explique sans cesse au directeur de la compagnie que les gens à la tête du comptoir de Surat et aussi les gens à Bombay n'ont rien compris de la menace qui représentait Nizam-ul-Mulk. Et que, par contre, il a ses propres favoris à la cour moghole et il propose donc de nouer des alliances avec des uns et des autres à la cour moghole qui seraient des hommes beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus facile à traiter, etc. Il y a aussi dans ces deuxième moment quelques autres choses. Je vous ai dit que la plupart des choses viennent de premier séjour, mais il y a quand même quelques éléments qu'il a pu collectionner la deuxième fois. Il a par exemple ça qui fait partie d'une petite collection de manuscrits. Par exemple, il a un manuscrit illustré de Bhagavata Purana. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'il a su faire. Et ça, c'est il a aussi su collectionner des manuscrits pour la religion des Zoroastriens. Donc, il est probablement parmi les premiers qui a ramené en Europe les manuscrits de l'Avesta, de Khordavasta. Et d'autres encore. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Fraser, finalement, devient, en quelque sorte, à la fois le prédécesseur, mais comme Anquetil du Perron était l'homme le moins généreux du monde, et c'était aussi le cible d'Anquetil. Anquetil est passé par Surat dans les années 1750. Et il savait très bien que Fraser avait été là. Il parle dans son récit de voyage de Fraser. Et il dit que Fraser, qu'il y avait donc un Écossais qui s'appelait Fraser, qui a essayé de collectionner des choses, mais il dit que, en gros, que Fraser était totalement incompétent, etc., etc. Mais c'était aussi assez curieux de voir que, à la fin du séjour de Anquetil, quand il rentre sur l'Europe, il est capturé parce qu'on est toujours en guerre de 7 ans, et il est amené donc en Angleterre. Et comme Anquetil a su s'arranger pour ce genre de choses, les Anglais ont permis, tout en étant captifs, qu'ils passent à la bibliothèque bodléenne. Donc Fraser, toujours captif, passe à la bibliothèque bodléenne pour voir la collection de Fraser. Fraser qui est mort en ce moment-là, parce qu'on est plus ou moins autour de 1760. Et Anquetil qui donne son avis sur la collection de Fraser, assez rapide, assez méprisant, mais assez curieux, parce qu'il se trompe carrément sur les manuscrits, parce qu'il identifie des manuscrits qui n'existent pas, il dit qu'il n'y a pas de manuscrits de choses où il y a bel et bien des manuscrits. Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'en quelque sorte, on voit que la collection d'Anquetil a un rapport très intéressant et très curieux avec la collection de Fraser. Ils ont collecté les manuscrits plus ou moins au même endroit, parce qu'une grande partie des manuscrits d'Anquetil aujourd'hui à la Bibliothèque nationale vient de Surat, justement. Mais donc cette espèce de relation, une espèce de tension entre un Écossais devenu chichti, plus ou moins, et un Français resté très Français, qui a donc suivi les pas, mais sans vouloir dire qu'il suivait les pas de celui qui avait été là avant. Dernier petit mot, il faut dire que Fraser a aussi fondé une dynastie. Son fils, Edward Satchel Fraser, est devenu planteur dans les Caraïbes. Mais les deux petits-fils ont eu une carrière orientale. James Bailey Fraser a passé du temps en Iran. Il est devenu peintre. Il a laissé pas mal de peintures de paysages, etc. Beaucoup plus curieux, William Fraser a été à Delhi et en 1835, il a été assassiné à Kashmiri Gate. Donc, si vous passez par le cimetière anglais de Delhi, vous pouvez trouver sa pierre tombale même aujourd'hui. Collège de France, vous venez d'écouter Sanjay Subramaniam, l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle, le 30 mai 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié « Leçons indiennes, itinéraire d'un historien, Delhi, Lisbonne, Paris, Los Angeles » chez Alma Éditeur en 2015. Réalisation Ghislaine David, mixage Benjamin Vignal, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous restons en compagnie de Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde, les représentations à l'époque moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.